notre fière. J'aime ma race, j'aime ta race, mais si tu veux tuer les deux, va niquer ta race. Mais si tu veux tuer les deux frères, trace, rentre chez toi, fais comme tu me sais pas, mais tu me lances dans tes jeunes patrimoines. C'est moi qui suis des écoles, des instants, je sais pas, mais arrête de chialer, si c'est ton pouvoir d'achat, il est pourri. De 93, que bien des campagnes françaises,